Chapitre 3e. La chambre des morts. La paysanne monta devant en murmurant des prières en latin. On arriva dans la chambre sur le seuil de laquelle le nain resta accroupi. « Ils n'entrent pas votre gnome ?» dit l'étrangère en faisant signe au basquir. Celui-ci ne bougeait pas. La champenoise, en faisant la couverture, répondit assez finement. « Vous disiez que ces bouts d'hommes ont de l'instinct. Le basquir ne met jamais les pieds dans la chambre des morts. Ça devrait vous faire craindre, madame. Ma foi, non. » Et voyant une cheminée, « Allez-moi un peu de feu, dit-elle. Cela assainira la chambre. » La champenoise fit au basquir un signe en montrant le foyer, et l'avorton dégringola les escaliers. Un instant après, il revenait avec une brassée de bois qu'il déposa sous le seuil sans avancer. « Voyez-vous, dit la paysanne, en allant prendre le bois, il ne ferait pas un pas sur ce plancher quand même on le rouerait de coups. Drôle de bonhomme, fit le rat. Puis, le feu flambant, elle dit en voyant la gaieté que la flamme jetait dans la chambre et en sentant la chaleur. « Et vous croyez qu'un sous-trait serait assez mal élevé pour venir troubler le sommeil d'une jolie femme qui tombe de fatigue et qui se sent toute heureuse d'avoir bon lit, bon feu et bon estomac ?»« Je n'en crois rien, moi. Bonne nuit, ma bonne femme. » La paysanne s'en alla. Il leur referma sa porte à clé. Elle entendit la champenoise marmotter des litanies en descendant. « Invoque plutôt le diable, murmura-t-elle, car Dieu et moi, nous sommes terriblement brouillés depuis longtemps. » Elle se regarda dans un grand miroir. « Pas une ride. L'heure n'est pas venue de se jeter dans les bras de l'église. » Le roi, cependant, venait sans doute d'évoquer quelques souvenirs lourds à porter, car son front se contracta, elle songea au passé. Enfin, elle murmura. « Il est mort victime bien plus d'une vengeance d'autrui que de mon fait. Après tout, j'ai laissé faire. » Puis, redevenant femme, et avec toute la légèreté de ces belles filles qui pardonnent tout hors l'ennui et qui justifient tout par l'ennui, en définitive, il était insupportable et il m'assommait. Je serais morte dans ces neiges. Elle se dévêtit. Les vêtements tombaient en pleurant le long du corps et elle apparut merveilleusement belle. Son pied qu'elle avançait vers le foyer était adorable. « J'ai 2 millions, dit-elle. J'ai le projet du baron en perspective et 50 et peut-être 100 millions à recueillir. Il faudra, paraît-il, payer de cadavres la route de la fortune. Mais c'est le sort des hommes de mourir pour les jolies femmes. J'ai la jeunesse, la beauté, l'audace, le diable au corps. » Mais elle s'arrêta brusquement dans l'essor de ses pensées brillantes. « Et dire, murmura-t-elle, que je n'ai jamais aimé personne que cette folle de Ninette. » Elle se prit à rire. « Quand je serai grande duchesse, princesse ou reine, peut-être avec 100 millions. Il faudra pourtant qu'un homme trouve le moyen de se faire adorer par moi, afin que je sache ce que c'est que d'être jalouse, battue, malheureuse et trompée par un de ces imbéciles à deux pattes que j'ai tant méprisé et que je méprise plus que jamais. Ah, le remords tel que celui que tu aimeras, ma chère Laura, car tu ne feras pas l'amour à demi, ma fille. » Il se couche avec la grâce d'une panthère se reposant sous un palmier. Certes, la comtesse était brave. Certes, ce n'était pas un esprit faible. Et l'on verra plus tard que cette tête et ce cœur de femme ne connaissaient aucun préjugé. Les histoires de sous-traits étaient pour Laura rengaines de vieilles femmes. Mais il y avait dans la rhapsodie de la champenoise des faits patents, tangibles, des faits qui s'imposaient à la réflexion et qui semblaient peu explicables. Or, il s'était produit dans l'esprit de la jeune femme un phénomène psychologique assez fréquent, que nous allons étudier car il explique l'insouciance, la légèreté avec laquelle elle venait d'agir. Lorsqu'on vous narre un fait, pour peu que la chose paraisse invraisemblable, l'on étudie les points par où le récit pêche, et l'on est enchanté de les avoir découverts pour nier toute la chose, ou du moins pour la tenir comme douteuse et ne méritant pas créance. La comtesse, assez étourdiment, s'était laissée aller à cette pente. Le sous-trait lui avait paru ridicule et avait fait tort aux 7 morts étonnantes qui s'étaient succédées dans la chambre. La comtesse riait du sous-trait. Le sous-trait était une légende absurde. Elle voulait braver le sous-trait. Elle aurait honte de reculer devant ce sous-trait imaginaire. Ah, si la paysanne avait dit tout simplement à la jeune femme, « Madame, il y a eu 7 morts mystérieuses et inexpliquées ici. Je ne vous conseille pas de coucher sous mon toit. J'ignore comment le drame se passe, mais le drame est vrai, terrible, et je ne me charge pas de vous en donner le mot. » Si la champenoise eût ainsi parlé sans faire intervenir son sous-trait, la comtesse en serait allée probablement. Par malheur, la champenoise avait montré de la superstition, et la comtesse, qui avait la coquetterie et de la vaillance, et qui tenait par-dessus tout, à rester en face d'elle-même et des autres, l'audacieuse créature qu'elle était, la comtesse, disons-nous, était demeurée par orgueil. Mais il advint, ce qui est fréquent, que dans le lit, la fatigue se dissipa comme par enchantement avec le délassement du corps. Une journée de cahotement produit une exacerbation des nerfs, qui se traduit d'abord par de la lourdeur et un apparent besoin de sommeil. Mais surtout, quand on a pris du café, avant de s'étendre dans le lit, la surexcitation reprend le dessus et vous demeurez éveillé alors que vous comptiez dormir à point fermé. Laura s'étonna de ne pas fermer les yeux. Elle en prit facilement son parti. Dans l'âtre, le feu pétillait. La chandelle éclairait honnêtement la chambre des morts qui avait l'aspect le plus rassurant. C'était bien la chambre d'auberge d'un hameau. Vieux papier moisi représentant des oiseaux impossibles perchés sur des arbres plus impossibles encore. Lourde chaise de paille et fauteuil également de paille, aussi solide que confortable. Plancher de chêne, massif, troué de gerçures, là où l'aubier s'était pourri, couvert d'une vénérable poussière. Car la champenoise n'avait donné que ce coup de balai superficiel des auberges, lequel n'aboutit qu'à soulever un nuage qui retombe derrière la servante. Descente de lit en sparterie, table de nuit à glissoir avec un vase ébréché, lit de plumes et rideaux en serge verte, enfin, estampes encadrées et représentant Lafayette en Amérique et Napoléon à Sainte-Hélène. Rien, absolument rien de lugubre. Et pourtant, quand Laura eut allumé un cigare, quand faute de livre, elle lui laissait errer sa pensée, elle songea qu'elle venait de s'embarquer dans une affaire qui pourrait devenir extrêmement grave. Elle songea à ses 7 morts. Décidément, pensait-elle, cette histoire est pleine d'absurdité, mais il y a quelque chose. Je me suis laissé entraîner par mon mépris pour le soustraire à nier le danger réel. Le hasard ne fait pas périr cette personne dans la même chambre. Et puis il y a le petit étudiant. Ce garçon a soupçonné quelque chose. Laura venait très rapidement de l'admettre que les morts n'étaient pas naturels. Il y a eu meurtre, se dit-elle, c'est incontestable. Je le nierai que je ferai comme les enfants qui se cachent sous le tablier de leur mère quand ils ont peur et qui croient conjurer le danger en ne le voyant plus. Et elle répéta, il y a eu meurtre. Elle jeta sur ses pistolets un regard complaisant et se prit à sourire. J'ai de quoi parler à des bandits, dit-elle, je puis soutenir un siège. Mais le péril ne lui paraissait pas devoir se présenter sous la forme de brigand. S'il y a eu assassinat, pensa-t-elle, ce ne peut être pour le mobile ordinaire, le vol. On n'a pas volé les morts, la femme me l'a affirmé. Aussitôt une pensée lui vint. Cette femme est-elle sincère et m'a-t-elle bien tout dit? Laura savait la vie. Une reine de théâtre, c'est-à-dire une artiste bien douée, qui a coudoyé toutes les supériorités, toutes les rivalités, toutes les jalousies, toutes les bassesses et tous les dévouements, une femme qui a eu 20 amants, des amis et des amis sans nombre, inévitables ennemis au bout d'un certain temps, une pareille femme sait lire sur une face humaine, interpréter un geste, juger un regard, et analyser une inflexion de voix. Examen fait, Laura porta son jugement sur l'aubergiste. Elle n'a pas menti d'une lettre, se déclara-t-elle à elle-même. L'imagination va vite. Laura sentit que la probabilité du danger grandissait rapidement. À sa place, d'autres se seraient levés, auraient appelé et auraient dit « Vite, attelez, je pars !» Laura était vaillante et tenace avec ardeur, une fois engagée. Une faiblesse, même à l'état de suggestion sourde des cordes inférieures de l'âme, une lâcheté si petite qu'elle fût, ne se produisit jamais en elle, sans qu'elle s'en indignât. Laura ne songea pas une seconde à partir. Seulement fit ce que d'autres n'auraient pas voulu faire. Très rapidement, elle souffla sa bougie et elle se trouva dans l'obscurité, tandis que l'autre côté de la chambre se trouva parfaitement éclairé par le feu. Elle murmura « Je verrai venir, et on me verra moins. » Une poltronne eût tenu à conserver la lumière allumée. Elle pensait toujours au jeune étudiant qui lui paraissait l'homme sérieux de l'enquête médicale. Elle méditait sur ses paroles. « Plus je cause le problème, songeait-elle, plus il paraît insoluble. Pourquoi ces meurtres? Il n'y aurait qu'un monomane qui tuerait pour tuer. Mais cette monomanie se serait trahie quelques jours, et cette femme qu'ont ruiné ses morts aurait eu assez d'indications pour trouver ce fou acharné aux assassinats inutiles. Cependant, le jeune homme a parlé d'un soutrait en chair et en os. Cela n'annonce-t-il pas sa croyance à la personnalité d'un meurtrier? Mais le sang! car si le meurtrier ne répand pas le sang, l'étouffement, l'empoisonnement, le foudrement même par l'acide prussique ou autre substance laisse des traces, et l'on aurait découvert le genre de mort. Ce n'est pas cela. Et puis ces gens, qui devaient avoir de la défiance, sont tous surpris dans le sommeil, car ils ne se défendent pas. Cette réflexion de Laura embrouillait encore le fil enchevêtré qu'elle cherchait à démêler. Plus elle retournait ce problème, plus elle le trouvait insoluble et redoutable. Un moment, elle crut avoir trouvé. « Ah, j'y suis !» fit-elle. « C'est une araignée !» Mais aussitôt, elle comprit l'absurdité de cette idée. « Je divague. Il faudrait une araignée grosse comme un tigre pour sucer le sang d'un homme. Et s'il y avait hémorragie, on aurait vu les draps rouges. » Elle était à bout de conjectures, mais à toutes ses analyses, elle avait conquis une conviction, celle d'une menace de mort, planant sur sa tête, et d'autant plus effrayante que le mystère demeurait insondable. Alors Laura dit tout haut, « Il y aura bataille entre moi et ce sphinx impénétrable. Prenons nos précautions. » Elle ralluma la chandelle, sauta en bas du lit, puis, le pistolet à la main, elle inspecta la chambre avec une perspicace et minutieuse attention. Le lit, la cheminée, la plaque de l'âtre, l'armoire, les serrures, les estampes, tout enfin fut sondé et elle ne trouva rien. La cheminée, comme toutes celles des campagnes, était très large d'abord, mais elle rétrécissait brusquement et un corps gros comme la cuisse n'y aurait pu passer. Néanmoins, Laura éteignit le feu sous les cendres et ferma de son devant la cheminée qui, de plus, fut barricadée de deux ou trois chaises empilées. Laura savait bien que c'était là un très faible obstacle. Mais les chaises, en se renversant, auraient fait un infernal tapage. C'est tout ce qu'elle en attendait. À la porte, elle prit la même précaution. Elle ne voulait qu'être avertie. Sur l'appui de la fenêtre, elle posa le fauteuil dont les pieds de devant, car il était large, furent à peine posés sur deux pieds de chaise. Laura improvisa là un trébuchet. L'intrépide jeune femme consulta sa montre. Il était minuit un quart. « À 6 heures du matin, se dit-elle, le jour ne sera pas loin. Je pourrai m'endormir, mais d'ici là, je veillerai. » Elle jeta un coup d'œil sur le petit terrain de lutte qu'elle venait de préparer, elle plaça ses cartouches sur la table de nuit, revérifia encore ses pistolets et souffla la chandelle. Elle était dans un état fébrile. Pour elle, le combat commençait déjà avec son invisible ennemi. Elle avait comme un pressentiment que de ce côté les hostilités étaient engagées déjà et qu'elle était épiée. Car elle ne doutait plus de l'existence d'un être vivant, pensant et voulant, dont toutes les facultés étaient tendues vers elle. La conviction lui venait de plus en plus forte et intense. Elle possédait éminemment développé ce sixième sens, trop délicat pour être analysé, mais qu'on pourrait définir le flair de l'esprit. Elle sentait l'approche de son adversaire et le devinant armé d'un pouvoir occulte, de moyens d'action inconnus. Cependant, la peur n'avait sur elle aucune prise. La passion de la curiosité, le démon de la bataille, le feu concentré des attentes où la vie est en jeu et où ce jeu vous enivre, la fièvre enfin, faisait désirer ardemment à cette singulière créature que le monstre inconnu parut pour qu'elle pût le briser sous ses balles. Tout à coup, elle entendit un léger bruit grattement imperceptible. Elle retint son haleine, se souleva, s'accroupit sur son lit, se rasa comme une panthère prête à bondir, et s'armant avec une légèreté de main inouïe de ses deux pistolets, elle guetta l'apparition. Mais le bruit grandit peu à peu. On eût dit que le silence enhardissait ceux qui produisaient ce petit grattement qu'elle reconnut être celui des souris dans le plafond et sous le plancher. Elle posa avec dépit ses armes sur la table de nuit en disant « Suis-je assez sotte? Il ne viendra personne, et je suis folle avec les chimères que je me forge. » Mais le pressentiment sérieux qui s'était emparé d'elle la tenait sous une étreinte de fer. Elle ne prenait pas cette quiétude qui vous saisit après l'alarme vaine. Au bout de quelques instants, elle entendit un nouveau bruit. Elle perçut très distinctement la sensation dont est frappé Louis quand un pied nu, s'appuyant sur des marches de bois, les fait gémir sourdement. Bientôt le pas s'arrêta et un frôlement d'étoffe contre la porte apprit à Laura que l'on écoutait. Elle s'était armée. Pendant 10 minutes, les personnes qui étaient là ne firent aucun mouvement. Il vint à Laura l'idée d'interpeller et de provoquer ce quelqu'un, mais elle résista à cette tentation. Elle pensa qu'il était préférable de laisser croire à son sommeil. Qui était là? « Madame !» dit la voix de la champenoise étranglée par la peur. « Madame, est-il venu? Êtes-vous là ?» La comtesse devina que la malheureuse avait dû faire un puissant effort de volonté pour se hasarder ainsi, mais elle ne lui en sut aucun gré. « Éloignez-vous » dit-elle d'une voix brève et impérative, « et ne revenez pas avant demain, je ne cours aucun risque. » La pauvre femme s'éloigna en marmottant toujours ses litanies à Notre-Dame de Bon Secours, et son pas se perdit dans les couloirs. Tout retomba dans le silence. Un soupçon était venu à la comtesse, mais aussitôt repoussé. La paysanne ne pouvait être renvoyée en espionnage par l'assassin. Laura sentait dans la vieille femme un secours et une alliée. Il était 1 heure du matin. Laura, qui sentait déjà vaguement qu'une lutte aurait lieu et qu'elle aurait à combattre pour sortir vivante de cette chambre, Laura songeait à s'assurer des avantages et calculait le jeu à jouer. Cependant, plus elle avançait dans ses réflexions, moins elle admettait qu'elle peut avoir à repousser une attaque ordinaire d'hommes armés venant pour un assassinat. La comtesse, dont l'oreille était toujours tendue, entendit quelque chose comme une branche sèche craquer dehors. Elle se leva et vint sur la pointe du pied regarder par la fenêtre dans le cimetière. Une forme indéfinissable et fugitive disparaissait furtivement et se blottissait derrière une fosse formant tumulus. Ce fut une révélation. « Voilà l'ennemi !» se dit-elle. Il chercha à se rendre compte de ce qu'elle avait entrevu, mais c'était impossible. Cette fuite avait été si prompte que l'œil avait été à peine frappé par une masse informe bondissant et s'abattant derrière le tombeau. Plus un mouvement. Il restait à la comtesse cette vague impression que son adversaire était un animal et non un homme. Il était là, sûrement il était là, car son dos débordait le tumulus et le prolongeait. Il n'y avait pas à s'y tromper. Les 7 tombes des morts de l'auberge avaient été placées sur la même ligne et au même endroit. Celle qui abritait le monstre s'allongeait de ce dos voûté. « Enfin !» murmura Laura. « Le voilà !» Plus de doute, plus d'hésitation, c'était lui et c'était quelque chose de monstrueux. Laura jugea qu'elle devait rester debout derrière les chaises et qu'elle verrait sans doute son adversaire ramper et grimper à une treille qui se trouvait appuyée au mur et qui montait du reste presque jusqu'au toit. Mais une demi-heure se passa sans que rien ne bougeât. « Me verrait-il » se dit-elle. Elle se retira aussitôt, mais elle imagina une ruse qui dénotait chez elle les instincts d'une race de chasseurs. Elle ôta d'abord la petite barricade qu'elle avait construite, puis elle plaça une chaise contre un vieux bahut haut d'1,50 m environ et qui servait à garder le bois. Elle se hissa dessus et s'installa commodément. Elle ne quitta plus la fenêtre des yeux et 1 heure se passa. Déjà, elle commençait à désespérer quand tout à coup une tête hideuse se dessina à la fenêtre entre les barreaux des châssis. C'était celle du basquire. La monstrueuse créature dirigea son regard vers le lit. La chambre parut s'illuminer d'éclairs. Les 2 prunelles du nain avaient des flamboiements d'escarboucles. Qu'on s'imagine 2 yeux de loup phosphorescent la nuit, derrière les broussailles et dardés sur une proie. En poussant au centuple la puissance du rayonnement de ces 2 charbons incandescents, de ces braises de la fauve, comme disaient bien les paysans, on aura une idée de l'éclat magnétique qui s'échappait en ondes étincelantes des orbites extraordinairement dilatées du basquir. La comtesse, suivant les émissions de lumière qui allaient frapper le lit, comme on peut suivre le rayon de soleil qui tamise quelques fissures de volets mal joints, elle comprit le pouvoir de fascination du nain. Celui-ci avait-il conscience de ce pouvoir et cherchait-il à l'exercer? Il eût été difficile de le dire. Mais il resta ainsi accroché au rebord de la fenêtre pendant plus de 10 minutes. Puis, grâce à quelques procédés ingénieux, les 2 battants s'ouvrirent, les chaises avaient été retirées, nous l'avons dit, il sauta dans la chambre avec la légèreté d'un chat. Alors, en toute sécurité, sûr de son fait, il s'avança vers le lit, les bras étendus, comme un magnétiseur accumulant le fluide sur le sujet de ses expériences. Il marcha lentement sur la pointe du pied jusqu'à ce qu'il fût à 2 pas. Son attention était tendue avec tant de force vers son but. Toutes ses facultés étaient si énergiquement concentrées sur le point où il supposait trouver sa victime qu'il n'entendit pas Laura descendre du bahut avec une prestesse féline et se glisser vers la fenêtre. Elle la ferma brusquement et se tint debout, ses pistolets en main. Le nain se retourna et bondit avec un rugissement de fauve, mais la vue des pistolets l'arrêta dans son élan. La champenoise l'avait dit. Il y avait des fiances, de la poudre et des armes à feu. Il demeura un instant accroupi, près de l'attaque, les muscles de la face horriblement contractés et suant une sueur âcre qui, comme celle de certains animaux, répandait une insupportable odeur de rance. Laura, impassible, le tenait toujours en joue et il ne bronchait pas. Son œil foudroyait la comtesse, mais celle-ci ne baissait pas la paupière dans cette lutte d'intimidation et du choc de ses 2 regards. Il jaillissait des gerbes d'étincelles. Laura déploya une volonté surhumaine, car le monstre, fasciné, lassé, vaincu, finit par baisser la tête et gémit ses petits glapissements qu'elle avait déjà entendus. Alors, bravement, elle vint à lui, le saisit d'une main virile et le jeta sur le lit comme un paquet. Il se blottit sous l'édredon avec des gestes de singe. Elle alluma la chandelle et, comme elle avait pesé de sa main le basquir et le jugeait peu robuste, elle mit tranquillement ses pistolets dans son sac, puis lit tout en riant. « Voilà pourtant ce que c'est qu'un vampire. Dévisageons un peu celui-là. » Dans ce cœur intrépide, pas de crainte niaise, pas de terreur vaine. Elle avait vaincu le basquir, jugé le nain, toisé le vampire, jaugé ce qu'il pouvait cuber de force. Elle le dédaignait et ne lui faisait même plus l'honneur de le croire redoutable pour elle. D'un soufflet, elle l'eût terrassé. Que pouvait-il dès lors? Rien. Certes, s'il n'y eut jamais au monde une étrange situation, ce fut celle-là. D'une part, une jeune femme intrépide et belle comme Diane Chasseresse. De l'autre, un monstre comme il semble impossible que l'humanité puisse en produire. Nous l'avons dit, la curiosité de la comtesse était développée au-delà de toute expression. Un problème se posait devant elle, plus irritant encore cette fois que quelques instants auparavant, alors que le champ des conjectures était plus vaste et qu'il y avait plus de marge aux suppositions les plus hasardées. Maintenant, le monstre était là et on pouvait l'interroger. Mais c'était, comme le sphinx antique, un muet qui dévorait sans parler. Mais un voile impénétrable couvrait la pensée d'une nain difforme. Mais il gardait son redoutable secret dans les profondeurs de sa poitrine. La comtesse ne désespéra pas cependant de deviner cette énigme. Douée de facultés brillantes, Laura avait par-dessus tout des qualités de sagacité et de pénétration qui devaient la servir dans cette circonstance, en même temps que la bizarrerie de son caractère et la fougue de son imagination lui inspiraient subitement une idée à la fois fantasque et terrible. Elle commença par l'examen du basquir. Celui-ci, blotti sous l'édredon, avait fourré sa tête sous la couverture avec l'instinct de la brute. Quand il sentit que la jeune femme écartait le duvet, il se cramponna à l'étoffe. La comtesse le saisit, le mit debout, et lui prenant hardiment le front, elle le força à lever la tête. Le basquir poussa des cris plaintifs, mais ne se débattit point. Laura regarda longtemps cet être informe, et elle se convainquit encore une fois que comme force physique, cet avorton était moins que rien. Elle le transporta du lit sur la table, sans qu'il fît la moindre opposition, et lui enleva sa blouse pour examiner la structure de son corps, comme aurait pu le faire un médecin. Le nain, qui d'abord frémissait, avait fini par oublier sa peur et deux ou trois fois il hasarda sur la jeune femme un regard, qui fut accueilli par un sourire, sourire voulu, car la comtesse poursuivait un but et cherchait à apprivoiser le basquir. De temps à autre, Laura murmurait « Cette pensée m'importune, c'est de la folie, et je ne réussirai pas. » Mais l'idée à laquelle elle faisait allusion la persécutait. Elle avait laissé sa main posée sur la table près du monstre. Celui-ci, levant les yeux sur elle, la regarda avec une expression que l'on n'aurait pas cru possible chez lui. On eût dit que, dompté et épargné, séduit peut-être par la rayonnante beauté de Laura, la bête fauve qui était en lui faisait peu à peu place à l'homme qui s'éveillait pour admirer la femme et subir le joug. La comtesse poursuivit son plan, en femme qu'aucune répulsion ne saurait arrêter. Elle rassura, caressa le basquir. Celui-ci d'abord prit doucement la main de Laura et la mit contre ses lèvres en gémissant joyeusement, puis bientôt roula au bas de la table et se coucha à ses pieds. Elle eut une exclamation de surprise et de triomphe et murmura « Serait-ce donc possible ? Réussirai-je dans cette tentative ?» Elle tira de son sac de voyage une sorte de pelisse, châle de cachemire arrangé pour le voyage et qui était d'une finesse et d'un éclat rare. Elle en enveloppa le basquir et lui fit signe de rester assis sur une chaise. Il obéit. Elle ralluma les braises du foyer et fit flamber joyeusement le feu. Il semblait qu'une révolution rapide se fût faite chez le nain. Il avait pour la comtesse des regards francs, limpides, tendres, humides, comme celui du chien soumis à son maître. Il s'est dodeliné sur sa chaise et, s'enveloppant avec délices dans la pelisse, trépignait de plaisir quand Laura lui jetait un sourire et un mot caressant. Chez la jeune femme, aucune haine contre cet être immonde. Maintenant qu'elle avait conçu un espoir singulier, elle ne voyait plus dans le basquir qu'une force à maîtriser et à diriger. « Avoir à soi cet instrument de meurtre, murmura-t-elle, et le faire fonctionner à son gré, ce serait tenir en sa main les vies les plus précieuses et en disposer au meilleur de ses intérêts. » Elle se rendait compte à cette heure des morts constatées sans que l'on pût en deviner la cause. Le pouvoir magnétique du vampire était immense. Tous les médecins qui ont étudié les vampires, si nombreux en Asie et en Serbie, en Herzégovine et en Valachie, ont constaté qu'ils avaient ce pouvoir effrayant de plonger leurs victimes en catalepsie. Quelques races d'animaux et quelques hommes ont ce rare privilège d'échapper à la fascination. D'autre part, la piqûre imperceptible faite à la tempe ne laissait qu'une trace insaisissable. Nous donnons plus loin du reste le curieux récit fait par Mérimée, un académicien, un de nos écrivains les plus autorisés, sur une scène de vampirisme à laquelle il a assisté. La comtesse envisagea sous toutes ses faces son terrible projet. Avec un vampire comme celui-là, tout obstacle représenté par un homme tombe sans danger pour moi, qu'ai-je à craindre? En découvrant le crime, suis-je responsable d'un maniaque dont j'ignorais la folie, et peut-on me rendre solidaire? Mais que de chance pour que jamais personne ne se doute de rien. Elle se chauffait et tisonnait. Le nain quitta sa chaise, vint s'arranger comme un chien sur le bout des bottines, et il plaça voluptueusement son museau de chauve-souris sur le bas de la robe. Elle le flatta de la main et se dit avec une joie vive « Il est à moi, et dès lors l'héritage est aussi à moi. » Elle disait cela à voix extrêmement basse, en langue slave et d'un ton très ferme. Pas l'ombre d'émotion ni d'hésitation, la voix du sang ne parlait pas en elle. De temps à autre, le nain implorait un regard et une caresse qu'elle lui donnait, tout en creusant son idée. « Demain, j'emmène mon précieux monstre avec moi. Je ne dirai mon secret à personne au monde, pas même à Ninette. Le difficile sera de garder le vampire et de l'empêcher de commettre des crimes inutiles. Mais j'ai cette idée qu'en lui donnant chaque jour à boire autant de sang qu'il en voudra, il ne tuera plus personne. Au besoin, je puis l'enfermer dans mon hôtel au fond d'une cage de fer. Je verrai. » Elle songea encore pendant quelques instants, puis elle se dit « Tentons donc une expérience, et voyons jusqu'où va mon pouvoir sur le monstre. Je vais faire semblant de dormir. » Elle se coucha et fit placer le nain comme un carlin sur la descente de lit. Pendant une heure au moins, sans un mouvement, sans un souffle qui attestât la vie, elle attendit une tentative du basquir. Celui-ci ne bougea pas. Le jour vint. Alors la comtesse entendit un pas précipité dans l'escalier. C'était la champenoise. « Madame, » dit-elle haletante, « Madame, êtes-vous là? Dormez-vous? » « Ma bonne femme, » dit la comtesse, « vous pouvez entrer, la porte est ouverte. » Laura, en effet, avait enlevé toutes les barricades devenues inutiles. La paysanne pénétra dans la chambre et vit avec une surprise joyeuse la jeune femme saine et sauve dans son lit. « Seigneur Dieu, » s'écria la paysanne, « voilà le charme rompu et le sou réparti. » Elle tomba à genoux et se mit à prier avec une ferveur idiote mais touchante qui fit hausser de pitié les épaules de Laura. La paysanne se releva transformée, rayonnante. Un éclair pâle passa dans ses yeux blancs, et elle embrassa avec ferveur la main de la comtesse. « Ma chère dame, dit-elle, comment avez-vous fait? C'est un miracle. » La comtesse chercha des yeux le nain, mais il avait disparu. « Votre sous-trait, dit-elle, ma pauvre femme, est une fable, un conte absurde. Ce sont les médecins de Troyes qui ont raison, et les morts ont eu des attaques. Ils sont allés naturellement de vie à trépas. Madame, ne le croyez pas. Et moi, je veux que vous ajoutiez une foi aveugle à ce que je vous dis. » Ordonna Laura, avec une autorité qui fit ployer en deux la paysanne et s'imposa son entêtement. Laura continua. « Je vais dormir jusqu'à 10 heures. Vous me préparez à déjeuner. Allez, ma brave femme, et ne craignez plus rien. » La champenoise s'en alla. La comtesse se leva, chercha partout le nain, ne le vit pas, et conjectura qu'il s'était enfui dans la maison. Elle ferma sa porte à clé et se recoucha en disant « Dormons !» Elle pensait n'avoir absolument rien à craindre du nain, tout en étant clos. Elle eut un lourd sommeil. En s'éveillant, la première chose dont elle s'aperçut, ce fut de la présence du basquir, couché inoffensif sur le pied du lit. Elle eut un léger frisson. Le basquir était rentré, comment? Elle n'aurait pu le dire. Mais il était heureux, pelotonné, faisant entendre un grognement de plaisir et semblant saluer le réveil de la jeune femme qui, dès lors, bannit toute crainte au sujet du vampire. Elle se leva. Il va sans dire que pour elle, le nain n'était pas un homme. Un chien ne l'eût pas gêné, lui de même. Elle se vêtit comme s'il n'eût pas été là. Le basquire se mit à rôder autour d'elle et il s'amusa à jouer avec les jupes traînantes, avec les pièces du nécessaire de voyage et les longues tresses noires et soyeuses de la comtesse. Celle-ci riait des excentricités et des folies du basquire dompté. « Décidément, dit-elle, c'est joué de bonheur. Non seulement j'ai un vampire à moi, un vampire sérieux dans le genre de ceux du Moyen-Âge, mais de plus, ce monstre est badin, drôle et amusant. » Elle examina sa toilette et descendit dans la salle du rez-de-chaussée pour déjeuner.